Exercice 3, page 63. A. Adieu. B. Europe. C. Orageux. D. Heureusement. E. Courageux. F. Pérou. G. Boulevard. H. Kangourou. I. Amoureux. J. Douloureux.